Lève les yeux vers les montagnes. Lève les yeux vers les montagnes. D'où viendra le secours? On me dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Du fond de mon cœur.